Et tout de suite, on retrouve Guillermo Guiz pour la drôle d'humeur de Guillermo Guiz. Bah oui, bien sûr. Ah oui, pourquoi d'autre? Bonjour les amis. Un joli t-shirt. Salut. Ah, vous allez bien? Porn Salut. Hub. Bravo. En hommage à vous, Daniel. Merci, gentil. Bonjour les amis. Alors, comme vous le savez, ma carrière est une déroute. Ouais, c'est vrai. Valeur actuelle s'entête à snobber mon spectacle. Enfin, malgré mes appels à la repénalisation d'homosexualité. Que faire? Que dois-je faire de plus? Épouser Elisabeth Lévy? Enfin, voilà. Bon, alors, eh bien, je devrais notamment arrêter de boire chaque week-end l'équivalent d'un gros bébé de vodka. Consommation qui ferait passer l'alcoolisme de Leïla pour une simple passade sans importance. Alors que Leïla, sans vouloir tout révéler de sa passion pour les liquides qui s'enflamment, a tout de même remporté 7 fois de suite les championnats du monde de résistance au vomi. Après l'absorption devant jury d'une soixantaine de shots de vin rouge Z27, très très belle performance, record de l'Est, record d'Europe de l'Est, sèchement battu. Ce qui a valu à Leïla, pour la petite histoire d'ailleurs, d'avoir une salle de concert et un jour férié à son nom en Pologne. C'est quand même pas mal, bravo, la France saura s'en souvenir. Même si sur le territoire hexagonal, même les tentations éthyliques s'effilochent brutalement. C'est la Bérésina pour la France des bistrots qui perd chaque année 7000 membres. Bon, ça fait 300 000 de moins que Canal+, chacun son rythme. Mais perdre 7000 membres, c'est quand même 6998 de plus qu'Oscar Pistorius. Ça fait quand même beaucoup. Alors, à cette vitesse, dans 15 ans, les gamins parleront des bistrots de France comme on parlera du Parti Socialiste. Un truc où papy allait jadis pour être entre mecs et raconter de la merde, vraiment. Pour vous dire, il n'y avait plus que 34 000 bistrots en 2016, alors qu'il y en avait encore 600 000 en 1960. 600 000 bistrots en France. Ce qui, sociologiquement, pose un vrai enjeu. Qui n'était pas alcoolique dans ce pays en 1960? C'est vrai, moi, j'ai pas vécu cette période. Autour de cette table, le seul qui était déjà adulte, finalement, c'était Frédéric Sigrist. Et à l'époque, il était en prison pour vol par ruse sur personne à mobilité réduite. Il a payé sa dette, c'est pas un jugement de valeur. Bon, 600 000 bistrots dans la France, 600 000 bistrots dans la France de 1960, ça veut dire qu'il y avait environ 1000 bistrots par village. Ça fait un bistrot pour deux habitants. Tu m'étonnes que la France ait perdu de sa superbe. Évidemment, pendant que vous parliez d'Interville avec les doigts qui collent et la langue qui sent, en Chine, on apprenait à construire des téléphones portables. Ça, Eric Zemmour, c'est comme ça. Et je critique pas les cafés, hein. Moi, je suis né dans les cafés. Tu suces mon ADN, t'as 2 grammes dans le sang. Enfin, je dis, voilà. Tu lèches mon foie, tu peux jouer Cyrano de Bergerac. Y a pas de problème. J'ai grandi dans cette ambiance. À l'époque où les bistrots, c'était Facebook en temps réel. À l'époque, hein. T'étais pas d'accord avec les OGM ou la GPA, t'abîmais un tabouret, t'ouvrais une arcade, tu cassais une canine. Il y avait un côté convivial, quand même, c'est vrai. C'est pas comme aujourd'hui. Tout le monde y allait de sa petite perle de philosophie populaire. À l'époque, on pense notamment au fameux les étrangers, s'il y en avait moins, il y en aurait forcément pas plus. Attribué à un certain Daniel M, pilier de comptoir qui, depuis la fermeture irrémédiable de son bistrot quartier, erre 19 heures par jour dans les studios d'une radio publique, où, profitant de la compassion légendaire des auditeurs de gauche, il recycle des potrons minets ses plus grands coups d'éclat poivreaux sous la forme de billets humoristiques annonnés d'une voix de sanglier dépressif. On le salue, Daniel M. Il doit sûrement être près de nous à ce moment-ci de la journée. Je sais pas. C'est aussi ça qu'on perd finalement avec les bistrots, quelque part. France Boisson voudrait d'ailleurs inscrire les cafés français au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme le Taj Mahal, la cathédrale de Chartres et les camionnettes bâchées cuir du père Albert, camionnette qui, comme chacun sait, fait également refuge pour un marfeu, crèche de Noël et musée de la tauromachie. diversification que le père Albert a dû concéder pour garder sa clientèle de curieux. Tu en parles bien. Et son accréditation sur le parking semi-VIP du Bois de Boulogne. Alors, diversification à laquelle les bistrots de France doivent également se résoudre pour survivre. Et je vous laisse à ce propos, je vais ouvrir un bar à bottes avec Elisabeth Lévy. Allez, bonne émission, les mecs. Bravo, mon Dieu, oui, courage. Sur France Inter.